Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de ce 14 décembre dont voici les grands titres. Le gouvernement burundais appelle les réfugiés burundais à regagner le bercail. L'appel est du premier vice-président de la République. C'était ce mardi lors d'une rencontre avec les diplomates accrédités à Bujumbura. Plus de 27 millions de francs burundais ont été volés au bureau postal de Mugamba, c'est en province Bururi. Dans la nuit dernière, les enquêtes vont commencer par trois policiers qui montaient la garde, précise le gouverneur de la province Bururi. Un corps d'emprisonnier a été retrouvé ce matin entre les quartiers Chatagne et Mouchacha de la ville de Gitega. La police nationale indique que Renovani Mubona a succombé au tir de son co-détenu. Une quinzaine d'organisations de la société civile récusent le médiateur Benjamin Mkapa et le juge de Partial dans la conduite du dialogue externe. Vous l'entendrez dans ce journal, mis en onde par Séraphine Hakizimana à la présentation. Mireille Kanyange, bonjour et bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page politique pour débuter ce journal. Le gouvernement burundais est prêt à accueillir les réfugiés. L'affirmation est du premier vice-président de la République. C'était ce mardi lors de sa rencontre avec les diplomates accrédités à Bujumbura. Gaston Sindimwa en outre indiquait que les conditions de retour de ces réfugiés sont réunies. Bujumbura reconnaît que le dialogue permettra leur retour massif. Suivez Gaston Sindimwa, premier vice-président de la République. Le dialogue, nous le croyons, rétablira un climat de confiance qui permettra le retour massif des réfugiés. Mon pays est prêt à accueillir ces réfugiés. Les conditions de retour des réfugiés burundais sont aujourd'hui réunies. La paix est totale dans tout le pays. Les biens des réfugiés sur les collines d'origine ont été soigneusement sauvegardés. Les structures d'accueil sont actives au ministère de l'Intérieur et sur toute la chaîne de l'administration territoriale. Même si certaines collines du nord et de l'est du pays souffrent de la famine, le gouvernement, avec l'appui des organisations de secours, préfère les aider dans leur pays que les laisser eux-mêmes dans leur terre d'asile. Nous sommes d'ailleurs très heureux de constater que certaines hautes responsabilités du pays donnent l'exemple et ont commencé à regagner le bercail. Le Burundi, comme tout autre pays, a besoin des bras de tous ses fils et toutes ses filles pour construire son avenir. Gaston Sindimwa, c'est le premier vice-président de la République, dont les propos ont été recueillis par Placide Niyomungere. Plus de 10 organisations de la société civile disent constater la démission de fait du facilitateur Benjamin Mkapa dans la conduite du dialogue externe. Ces organisations l'accusent de partialité dans la conduite d'un dialogue inclusif. Cela ressort d'un communiqué de ces organisations rendu public le samedi dernier. Le contenu nous est lu par Placide Niyomungere. Ces organisations sont l'ACAT, APRODH, CAVIBE, CBCPI, FOCOD, FOSC, GRADIS, HTM, LIGITECA, MFFPS, RCP et IBJ. Elles accusent le facilitateur William Benjamin Mkapa d'agir comme émissaire du régime burundais qui use tous les arguments possibles pour légitimer le pouvoir de Bujumbura et de qualifier d'obsolète l'intrigue de la crise burundaise dont le troisième mandat du président Nkurunziza est. Pour lui, d'après ces organisations, la vraie question pour les Burundais est de préparer les élections de 2020. Ces organisations déplorent que Mkapa ignore tous les crimes consécutifs à la crise électorale et post-électorale, dont les exécutions extrajudiciaires, les discours d'appel au génocide et toutes les autres violations graves et massives commises quotidiennement au Burundi sous le regard du monde. Selon toujours ce communiqué de ces organisations, le facilitateur n'a pas été capable de dégager les points litigieux dans la crise burundaise et de s'assurer de l'accord des parties à cette clarification. Alors que le facilitateur soutient l'extradition des personnalités sous mandat d'arrêt, ces organisations disent que sa position indique que Tanzanie ne garantira plus la sécurité de ces personnalités une fois participé dans le dialogue qui se déroule à Arusha, ce qui contredit le principe de processus de dialogue le plus inclusif possible, ajoute-t-elle. Cette position du facilitateur Mukapa incite les parties au conflit à user de violence comme mode de revendication politique, ont indiqué ces organisations qui constatent la démission de fait du facilitateur William Mukapa en raison de sa partialité et son incapacité à conduire efficacement le processus de dialogue. Et ces organisations recommandent à l'Organisation des Nations Unies de prendre ses responsabilités pour prévenir la catastrophe. Ce communiqué de ces organisations, parmi lesquelles certaines ont été radiées et d'autres suspendues temporairement par le ministère de l'Intérieur, tombe après celui de la plateforme Senared qui réquise également le facilitateur Benjamin Mukapa. À 13h01 dans les studios de la radio Isanganiro, page Sécurité sans transition. Encore sans vie d'un homme a été retrouvé ce mercredi matin dans une vallée reliant le quartier Chatanya et Mushasha de la ville de Gitega. Ce corps retrouvait celui d'un prisonnier qui s'est évadé de la prison centrale de Gitega ce mardi et se trouvait parmi les présumés auteurs du crime du général Adolphe Nshimirimana. Il s'appelle Nimubona Renova. Ceux qui l'ont vu disent qu'il portait un pantalon des détenus, mais le torse était nu et n'avait pas de chaussures. Ils indiquent également qu'il avait une blessure sur la tête. Le défunt avait fusillé un policier ce mardi qui l'accompagnait. Ils étaient dans une maison de passage du quartier Chatanya 4 de la ville de Gitega. Et au niveau de la police, l'on indique que le détenu tué a succombé au tir de son co-détenu qui a utilisé le fusil du policier qui venait d'être assassiné. À la question de savoir pourquoi ce cadavre n'a pas été trouvé directement, Pierre Anguriquier, porte-parole de la police nationale, répond que la victime s'était cachée. On l'écoute au micro de Joseph Nsabiabandi. C'était un criminel qui avait été en prison pour avoir participé à l'assassinat du lieutenant général Adolphe Nshimirimana, qui a demandé une autorisation de sortie et qui est parti avec un co-détenu, celui-là qu'on appelle communément capitaine général, qui lui avait d'ailleurs aidé à avoir cette autorisation. Arrivé au centre-ville de Gitega, au quartier Chatanya, le prisonnier qui avait demandé l'autorisation de sortir a demandé au policier pour qu'il puisse passer dans une maison de passage pour rencontrer son épouse. Et quand ils sont arrivés dans cette maison de passage, il a demandé une autorisation d'aller dans une chambre pour rencontrer son épouse. Et quelques minutes après, l'autre co-détenu, appelé communément Capita général, a fait semblant de sortir de la maison de passage et la femme aussi est sortie de la chambre et de la maison de passage. C'est ainsi que quelques minutes plus tard, le prisonnier est sorti de la chambre avec un fusil de type pistolet et il a tiré sur le policier. Et le fusil s'est bloqué et la balle n'est pas sortie et il s'est jeté alors au policier. Il lui a pris son arme et a tiré sur le policier qui est mort sur le champ. Et après avoir commis ce crime, il a pris le large vers la vallée qui sépare le quartier Chatanya et Mushasha. Et dès que l'autre co-détenu, le capitaine général, a entendu les tirs, il s'est dirigé directement dans la maison de passage et a pris l'arme du policier et a tiré sur le prisonnier qui venait d'assassiner le policier. Et c'est plus tard qu'on a su que le prisonnier a alors succombé au tir de cet autre prisonnier appelé communément capitaine général. Et après les crimes, l'enquête a commencé et le directeur adjoint de la prison de Gitega a été mis aux arrêts, ainsi que une gérante de cette maison de passage et un employé de la même maison. Voilà, c'est ça l'état des lieux de l'enquête pour le moment. Quand le détenu a tiré sur le policier, c'était à quelle heure de la journée? C'était aux environs de midi. Et le cadavre de ce détenu qui a tué un policier a été trouvé très tôt le matin, beaucoup d'heures après. Qu'est-ce qui explique qu'il aurait été tué avec les balles tirées par son co-détenu? Celui qui est tué par les balles ou par autre chose, ça peut être visible. C'est le travail de l'enquête qui pourra confirmer ou infirmer le rapport que je viens de vous lire. Est-ce qu'il n'aurait pas été tué par des balles tirées par un autre fusil et non pas celui du policier? Il n'y a pas d'autres balles qui ont été entendues. Ce que je vous dis, ça sort d'un rapport des gens qui étaient sur le terrain et qui ont géré la situation. Je ne pense pas donc qu'il y ait d'autres rapports qui pourraient contredire les gens qui étaient sur le terrain. Pierre Nkurikiye, c'est le porte-parole de la police nationale. Il répondait aux questions de Joseph Nsabiyabandi, toujours en page sécurité. Deux maisons ont pris feu dans la zone Moussaga, c'est en commune urbaine de Mouha. Le matin de ce mercredi, les propriétaires de ces maisons ignorent l'origine de cet incendie. N'eût été la police anti-émeute, ce feu aurait atteint d'autres maisons. Les détails avec Christella Nizigama. Ce feu qui s'est déclaré au quartier Moussaga, 3e avenue numéro 66, a causé beaucoup de dégâts matériels. Une maison a totalement pris feu de façon que le propriétaire n'a rien sauvé, tandis que l'autre qui était à côté a en partie pris feu. Le propriétaire de la maison qui a totalement pris feu indique qu'il ne connaît pas l'origine de ce feu. Nous ne connaissons pas l'origine de ce feu. Nous étions au salon et nous avons vu le feu se propager partout. Mais nous croyons que ce feu provient du courant électrique, parce que les fils conducteurs du courant brûlaient. C'était vers 7h passées de quelques minutes. L'une a totalement pris par ce feu. Nous n'avons rien sauvé. Et l'autre, c'est la chambre qui a été prise par ce feu. N'eût été la police anti-émette qui s'est dépêchée pour sauver. Ce feu aurait atteint d'autres maisons. Dans une parcelle de 6 maisons, 2 seulement ont pris feu, mais sans dégâts humains. Christella Nizigama, je vous le disais en titre, plus de 27 millions de francs burundais ont été volés au bureau postal de Mugamba en province Bururi. La nuit dernière, les informations obtenues des habitants du chef-lieu de la commune Mugamba, confirmées par la police à Bururi, indiquent que les voleurs jusqu'à présent inconnus ont défoncé le coffre-fort à l'aide d'une bonbonne à gaz sans le moindre coup de fusil. Les 3 policiers qui montaient la garde ayant préalablement consommé des stupéfiants. Dans tous les cas, indique Christian Nkurunziza, gouverneur de la province Bururi, les enquêtes vont commencer par les 3 policiers qui montaient la garde. Des intimidations sont faites à l'endroit de la famille de la fille qui aurait été abusée sexuellement par Didas Kiganahe. Cela est dit par Jean-Paul Simbashira, l'avocat de la famille de cette jeune fille et certaines organisations qui luttent contre les violences basées sur le genre. Il fait savoir qu'il y a des personnes qui rôdent aux alentours du ménage de cette famille. Cet avocat demande que que justice soit faite. Et que la justice fasse son travail pour clôturer le dossier suivi. La situation aujourd'hui que nous voulons porter à la connaissance, c'est qu'il y a des gens qui rôdent autour du ménage de la famille, qui seraient tentés de corrompre la famille, de leur demander d'abandonner le dossier. Nous nous inquiétons beaucoup plus pour leur sécurité et la sécurité des leaders des associations qui sont dans cette lutte-là. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons d'ailleurs à la justice d'instruire le dossier dans les meilleurs délais, étant donné que c'est un dossier qui en réalité devrait être considéré comme un cas de flagrance, et pour que le dossier soit instruit au niveau des cours des tribunaux, pour que la lumière éclate au grand jour, que la justice soit faite. Qui intimide cette famille? Nous sommes conscients de l'obligation légale de ne pas divulguer les sources pour des affaires qui sont en cours d'instruction, et nous savons déjà certaines personnes, nous avons les noms, et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que la justice puisse faire son travail afin que ces personnes puissent arrêter ces manœuvres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons avec ce journal à 13h09 dans les studios de la radio Isanganiro. Le syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi appelle les institutions, dont le Sénat, à promouvoir davantage les valeurs de solidarité nationale et de patriotisme qui transcendent le genre, la région et l'ethnie. Dans un communiqué sorti par le professeur Siméon Barumwete, ils disent que toute initiative destinée à corriger les déséquilibres au sein de l'administration publique ne cause pas de tort, si du moins elle est conforme à ce qui a été voulu par les signataires de l'accord d'Arusha et le constituant. Suivez professeur Siméon Barumwete au téléphone avec Alain Désiré Boukénez. Au niveau de notre syndicat, nous soutenons toute initiative tendant à corriger les déséquilibres au sein de l'administration publique, mais en fonction de la logique qui a été suivie à Arusha, notamment à Arusha, ils ont indiqué les secteurs qui devraient être concernés par la correction des déséquilibres. C'est au niveau, par exemple, des corps de défense et de sécurité, c'est au niveau des institutions politiques, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, mais c'est aussi au niveau du gouvernement et au niveau de l'administration locale. En dehors de ces secteurs, ce sont des fonctions techniques, comme c'est stipulé par la loi de 2005, portant distinction des fonctions politiques des fonctions techniques. Nous ne voulons pas qu'on étende la correction des déséquilibres aux secteurs qui n'ont pas été définis par les signataires de l'accord. Nous avons des inquiétudes que nous sommes en train de mettre en avant l'argument ethnique à des fins politiques. Et ça peut déboucher sur une possible discrimination sur base ethnique et sur une éventuelle, peut-être même, épuration ethnique dans l'administration. Et c'est aussi ce qui nous inquiète, c'est que nous observons une certaine tendance aujourd'hui à privilégier un critère subjectif sans base scientifique par rapport aux autres objectifs d'aptitude au sein de l'administration. Notre proposition, c'est que nous nous inscrivons dans la logique de cette loi du 17 mars 2005 portant distinction des fonctions politiques et des fonctions techniques, puisque dans cette loi, notamment l'article 5, c'est là où il est stipulé que pour ces fonctions-là techniques, le recrutement se fait uniquement sur base de la compétence et du mérite. Donc c'est là où nous avons des inquiétudes en tant qu'enseignants de l'Université du Burundi, que nous proposons que la nation burundaise se construise sur des valeurs qui sont de nature à renforcer notre société, notre État, et non de nature à la diviser davantage. Professeur Siméon Barungwete, c'est le président du syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi. Les personnes ayant suivi la formation d'appui technique au développement à Gitaza, en commune Muhuta de la province Lumonge, se demandent à quand ils auront leur diplôme. C'est après 5 mois sans nouvelles, alors qu'ils avaient terminé ces enseignements qui leur donnaient accès à l'enseignement supérieur. Leur représentant légal de Faté informe que le coordinateur des enseignements à Gitaza n'a pas encore fourni le palmarès des résultats depuis Lumonge. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. Ils sont au nombre de 26, les personnes dominées par les fonctionnaires de niveau inférieur ou égal à D6, ceux qui ont suivi cette formation à Gitaza. Selon certains d'entre eux interrogés, ils devraient bénéficier d'un diplôme de niveau A2 après 12 mois de formation, un stage et un rapport de stage présenté et défendu publiquement. Après 5 mois que toutes ces étapes ont été épuisées, ils n'ont pas encore eu ces diplômes A2 qui devraient leur donner accès à l'enseignement supérieur et pas même un rendez-vous. Alors que leur appellation vient de passer du diplôme A2 au diplôme professionnel spécialisé de niveau 7, les lauréats de cette formation ne savent même pas si ces diplômes ont une même valeur. Léonard Enzo Isaba, représentant légal de la FATED, informe que le coordinateur de cette branche de Gitaza n'a pas encore fourni le palmarès des résultats. S'agissant de la valeur de ces deux diplômes, Doïsaba Léonard dit que seule l'appellation a changé au moment où certains lauréats de cette formation ont été chassés de l'enseignement supérieur, notamment à Rumonge. Le représentant légal de la FATED dit qu'un département du ministère de la fonction publique et de l'emploi penche déjà. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Page santé de ce journal, le taux d'accouchement à domicile en province sanitaire de Kayanza reste élevé. Les rapports de janvier jusqu'à la fin du mois d'octobre 2016 montrent que ce taux s'élève à environ 15%. Les techniciens de promotion de la santé et les agents de santé communautaire sont appelés à multiplier des séances de sensibilisation jusqu'à la colline pour éviter de multiples conséquences sur les mères et leurs enfants. Apollinaire Muzagara. Selon les rapports du Bureau provincial de la santé, les nouveaux-nés vaccinés au BCG, premier vaccin dès la naissance, sont de loin supérieurs au nombre d'accouchements assistés en milieu de soins en province Kayanza, soit 73% des vaccinés au BCG, contre 58% des accouchements en milieu de soins. Des chiffres enregistrés depuis janvier jusqu'à la fin du mois d'octobre 2016 dans cette province. Selon les responsables sanitaires de Kayanza, cela montre qu'environ 15% des accouchements ont été réalisés à domicile. Ce qui atteste que la province Kayanza est loin d'atteindre la cible nationale estimée à 80% en ce qui est des accouchements en milieu de soins. Pour cause, selon toujours les mêmes responsables de la santé à Kayanza, une faible sensibilisation de la part de certains techniciens de promotion de la santé, des agents de santé communautaire et des formations sanitaires. Ils invitent à cet effet ces derniers ainsi que l'administration à la base à multiplier les efforts pour rehausser cet indicateur de santé afin d'atteindre la cible nationale. Cela permettra de diminuer les conséquences sur ces mères qui accouchent et leurs enfants, ont expliqué les responsables sanitaires provinciaux lors d'une réunion d'évaluation et de planification tenue ce mercredi à Kayanza, à Pune Muzagara, Radio Isanganiro. Quittons la province Kayanza pour nous rendre à l'est du pays, en province Ruyigi, où toutes les personnes de cette province ayant fait des unions libres sont appelées à régulariser leur mariage, faute de quoi et seraient dans une infraction sanctionnée par des dispositions légales burundaises. Certains des habitants de la commune Bweru demandent qu'il y ait une dispense pour ces ménages illégalement constitués sur les faits de célébration de mariage exigé. Mais le gouverneur de la province Ruyigi dit qu'il ne peut pas accorder aucune dispense sur un décret présidentiel. Jean-Claude Jimirimana, reportage. Selon une enquête menée par le contrôleur provincial du bureau d'état civil dans les communes Butaganzo, Abgeru et Ruyigi de la province Ruyigi, ces trois communes enregistrent un total de 1375 couples ayant fait des unions libres. Certains des habitants de la colline Lubavu en commune Abgeru disent que les unions libres sont fréquentes dans cette localité. Les femmes leaders de cette colline avec qui nous sommes entretenus font savoir que les femmes des ménages illégalement constitués subissent plus de violences basées sur le genre que les autres, puisque ne peuvent porter plainte nulle part dans les institutions étatiques burundaises. En vue de prévenir diverses violences basées sur le genre, Eric Ndouamaro, contrôleur provincial et de bureau d'état civil, demande à tous les couples ayant fait des unions libres à régulariser rapidement leur mariage, moyennant paiement de 4000 francs burundais uniquement. Au récalcitrant, il leur fait savoir que l'union libre est désormais une infraction punie d'une servitude de mois à trois mois et d'une amende de 100 000 à 200 000 francs burundais. Mais ces habitants de la colline Lubavu avec qui nous sommes entretenus affirment que les couples qui contractent des mariages en commune Bweru doivent payer une somme variant entre 8 000 et 10 000 francs et demandent que les couples illégalement constitués soient dispensés de ces frais de célébration de mariage pour leur faciliter la tâche au regard de leur vie marquée par de faibles revenus. De son côté, Abdallah Hassan, gouverneur de la province Ruyigi, dit qu'il ne peut pas accorder une dispense sur un décret présidentiel et demande plutôt à la population à faire des mariages conformément à la loi. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude Nshimirimana pour ce reportage. Ainsi se referme ce journal, mais je vous en rappelle quelques titres. Le gouvernement burundais dit être prêt à accueillir les réfugiés, que les conditions de retour de ces réfugiés sont réunies. L'affirmation du premier vice-président de la République, c'était ce mardi lors de sa rencontre avec les diplomates accrédités à Bujumbura. Et plus de 27 millions de francs burundais ont été volés au bureau postal de Mugamba, c'est en province Bururi, dans la nuit dernière. Les enquêtes vont commencer par trois policiers qui montaient la garde, a précisé le gouverneur de la province Bururi. Et encore d'un prisonnier a été retrouvé ce matin entre les quartiers Chatagne et Mouchacha de la ville de Gitega. Le porte-parole de la police nationale indique que Renova Nemubona a succombé au tir de son co-détenu. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser, à Séraphine Hakizimana qui a assuré la mise en onde de jeudi. Merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.